Ce vendredi à la vie en BD, des Iroquois, des étudiants au secondaire, des bandes dessinées documentaires et plus. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour porter un regard attentif sur le 9e art. Différents angles qu'on explorera au fil de l'émission de cette semaine, notamment l'intervention de Michel Giguère en fin d'émission autour d'une activité qui, malheureusement, fait se place drastiquement dans l'actualité avec les événements de dimanche dernier. Alors, une activité sur la bande dessinée documentaire, mais dans un contexte de témoignage, dans un contexte de dénonciation. Alors, autour de différents enjeux, évidemment, comme à l'habitude, comme c'est le cas des rencontres, des rendez-vous de la BD. Alors, on viendra parler, donc, de l'aspect revendication et de ces des discours alternatifs, peut-être aussi, qu'on trouve dans la sphère BD, donc, en fin d'émission avec Michel. Également, en termes d'entrevue, eh ben, il y aura Iris qui sera de passage en deuxième moitié d'émission pour nous parler d'une série qu'elle offre depuis déjà quelques temps là, du côté de Curium. Alors, ça s'appelle Les Autres. Et l'automne dernier, ben, il y a eu une édition format album de ces planches qu'elle nous proposait. Alors, on va parler un peu de l'univers des autres, du contexte de création autour de tout ça avec elle. Question peut-être de plonger un peu également dans nos souvenirs d'adolescence. Et sinon, ben, dans quelques minutes, on aura le plaisir de jaser avec Louis Rémillard autour d'une bande dessinée qui s'appelle Le Retour de l'Iroquois. Alors, une bande dessinée qui est publiée du côté des éditions Trip, qui représente plusieurs années de travail pour l'auteur. Une bande dessinée qui nous amène dans le Québec d'avant le Québec, donc dans celui de la Nouvelle-France, dans les années 1630, si je ne m'abuse. Et on suit donc dans ce récit un Iroquois donc qui part de Trois-Rivières avec un traité de paix dans les mains qui doit aller le proposer en 2 mois à sa nation, un voyage, un road movie presque en solitaire, donc au long du fleuve Champlain et d'autres cours d'eau. Une bande dessinée ben, vraiment fait qui mérite d'être lue largement. Alors, je tenais à vous en parler, tout particulièrement avant que la panoplie de bandes de nouveautés arrive au fil de la mi-mars. Alors, je suis bien content de pouvoir en parler tout à l'heure avec donc Monsieur Rémillard et ben, en espérant vous donner au fil de l'entretien le goût de la lire, cette bande dessinée. Alors, ben voilà, donc c'est le menu pour l'édition de cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme d'habitude, on commence l'émission avec quelques regards sur l'actualité, notamment ben, l'élément incontournable, le festival de la bande dessinée d'Angoulême qui avait lieu, qui s'est terminé en fait en la fin de semaine dernière, et les récompenses qui ont été offertes. Donc, on avait déjà mentionné à l'émission la semaine dernière que Cosé avait été nommé Grand Prix pour 2017, donc qui succédera à Herman. Mais pour les Fauves, donc, quels sont-ils? Eh ben, le Fauve d'art, donc le prix du meilleur album a été offert à Paysage après la bataille de Philippe de Pierrepont et Éric Lambé. Alors, essentiellement, on passe donc d'un récit dans lequel un personnage tente de chasser ses oiseaux noirs, de soigner ses blessures. Un récit qui a évidemment happé les gens du jury. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je n'en dirai pas plus. Sinon, Fauve d'Angoulême, prix spécial du jury, Ce qu'il faut de Terre à l'homme de Martin Véron, une bande dessinée qui a eu d'ailleurs plusieurs citations, récompenses et autres au fil du temps. Le Fauve pour la série, donc le prix de la série m'a été donné, une série que j'aime beaucoup, Shisokabe, le tome 4 en fait, de Minetaru Mochizuki chez Les Arts Noirs, en fait un regard absolument fascinant sur la société japonaise à travers des personnages qui ont énormément de blocages sociaux aussi, qui sont extrêmement difficiles à décrypter à travers leurs yeux, mais en partie pas vraiment à travers leurs yeux également. Donc c'est très intéressant comme lecture avec un dessin assez classique. Alors bien content de cette récompense évidemment. Prix Révélation, ça a été donné à Mauvaise fille d'Anko chez Cornelius. Le prix du patrimoine au Club des divorcés, le tome 2 de Kazuo Kamimura chez Kana. Le prix du public, une autre BD que j'ai énormément apprécié, en fait L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Et je cite un peu la raison derrière ce prix. On parle d'une œuvre qui porte un regard amical et malicieux sur ce héros qui nous accompagne depuis 70 ans et renouvelle le genre avec tendresse et originalité. Et les trois derniers prix qu'on mentionnera, le Fauve Polar SNCF a été donné à L'été diabolique d'Alexandre Cléris et Thierry Smolderen, une bande dessinée qui est citée régulièrement également. Le prix jeunesse à la jeunesse de Mickey de Thébault chez Glénat. Et enfin, le prix de la bande dessinée alternative à Biscotto, le journal le plus fort que Costaud. Alors, je rappelle que dans cette catégorie, il y avait entre autres la revue Planche également qui était en nomination. Sinon, autre nouvelle tirée d'Angoulême, le syndicat des éditeurs alternatifs a annoncé dans un communiqué son adhésion à la future association pour le développement de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, ben voilà, donc, ce sera une nouvelle association qui sera derrière le festival et ben, les éditeurs alternatifs ont choisi d'adhérer à cette association. Et sinon, pour terminer, deux nouvelles à caractère cinématographique, notamment Pierre-François Martin Laval, qui nous a offert Prof il y a quelques années, quelques temps, va réaliser l'adaptation au cinéma de la fameuse bande dessinée d'André Franquin, Gaston Lagaffe, apparue en février 1957 dans le journal de Spirou. Le film, dont la sortie est prévue au printemps 2018, va commencer à être tourné en mars prochain. Et au casting, on trouve Théo Fernandez dans le rôle de l'employé de bureau imaginatif, Arnaud Ducret dans la peau de l'agent de police Longarin, Alison Wheeler dans celle de Mademoiselle Jeanne et Jérôme Commandeur dans le rôle de Monsieur de Metz-Maker. Et je rappelle, c'est pas la première fois que Gaston Lagaffe est porté à l'écran, puisqu'il y avait une adaptation en 1981 avec Paul Bougenat, qui s'était librement inspiré de la bande dessinée pour un fait gaffe à Lagaffe. Et sinon, autre adaptation, La Légèreté, je rappelle, récompensée du prix Walensky du Point 2016, le prix Coup de cœur du Festival Quilibule 2016, La Légèreté de Catherine Meurice, va être adaptée au cinéma, un album qui raconte le travail sur elle-même qu'a dû faire la dessinatrice pour trouver l'apaisement après l'attaque en janvier 2015 de Charlie Hebdo, pour lequel elle travaillait depuis 10 ans. Alors voilà, pour ces différents clins d'œil, en musique cette semaine, c'est Glitch Dealers qui nous accompagne avec Minimized. Écoute de la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. On a pris un peu de retard ces dernières semaines, mais tout sera remis en ligne progressivement, tout ce qui manque du moins, au fil de la semaine prochaine. Mais maintenant, restons dans le temps actuel, dans cette semaine, et devant nous, en studio, on a le plaisir d'avoir l'auteur du retour de l'Iroquois, Louis Rémillard. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être en fait, plaçons ce récit dans le contexte de vos bandes dessinées des dernières années, entre autres Voyage en zone d'exploitation, Downwind de Petawawa également. Un peu l'impression peut-être que Retour de l'Iroquois s'inscrit dans la continuité des thématiques peut-être abordées là-dessus, construction d'identité, rapport au territoire et le reste? Oui, assez. En fait, c'est toujours une relation avec le territoire, toujours aussi un peu de canot à travers ça, et aussi l'admiration de la nature. Dans le cas de Voyage en zone d'exploitation, c'était plutôt... disons, un dépit des conséquences des interventions humaines sur l'environnement, mais avec quand même de l'humour à travers ça. Et puis des structures aussi un peu façon road movie ou road story à tout le moins. Oui, en fait, dans ces trois livres-là, il n'y a aucune histoire. C'est juste un parcours. Donc, voyage en zone d'exploitation, c'est un parcours sans fin parce que la première case s'enchaîne avec la dernière. Donc, on peut éternellement lire le même livre. Ça aussi exprime aussi qu'il se passe toujours aussi un peu la même chose sur le territoire. Puis, dans l'Inde de Petawawa, c'est un récit, c'est une expédition de canot camping que j'ai fait sur la rivière Petawawa en Ontario. Alors, j'ai fait une chronique de notre voyage en canot camping. Donc, il n'y a pas d'histoire, c'est juste, l'histoire, c'est le voyage, en fait. Puis, l'Iroquois, il n'y a pas d'histoire, mais ça traite d'histoire. Oui, parce que dans le fond, d'ailleurs, c'est inspiré d'un fait réel. On se reporte dans la Nouvelle-France, 21 mai 1644, en fait, où un Iroquois, Tonk, on va l'appeler comme ça, Tonk, en fait, le nom complet, c'est Tokrahene Yaron. Oui, Tokrahene Yaron. Mon Iroquois pas très bon, là, mais ça ressemble à ça. Il est meilleur que le mien. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un diminutif, Tonk. Toc, ça a plus d'impact. Et c'est, dans le fond, un récit que vous avez découvert, vous avez trouvé dans les relations des Jésuites ou... Oui, en fait, moi, je m'intéresse à la question depuis un certain temps, donc j'ai effectué beaucoup de lectures, dont les relations des Jésuites, chose que les gens ne lisent pas beaucoup couramment, mais ça recèle plein d'histoires. Alors, je me suis inspiré, en fait, d'une relation des Jésuites parce que son histoire a été bien documentée au niveau de sa capture, au niveau de sa détention, au niveau de sa libération et au niveau de son retour suite au voyage qu'il a fait. Alors moi, j'ai reconstitué son voyage qu'il a fait pour proposer un traité de paix entre Français et Iroquois. Reconstituer le voyage, mais également, Louis Rémillard, changer la perspective, parce que dans les relations des Jésuites, évidemment, c'est du point de vue des Français, et dans le retour de l'Iroquois, c'est du point de vue de l'Iroquois, justement, donc c'est du point de vue de ce personnage-là. Oui, en fait, étant donné que c'est un voyage en solitaire, c'est sûr que c'est l'Iroquois qui est le premier concerné, mais j'ai pas fait de parti pris, je me suis mis dans la peau du type en question qui part en voyage... tout seul en canot jusque sur les rives de la rivière Mohawk au nord de l'État de New York. Alors c'était quand même c'était une route assez commune à l'époque, là, ça qui se faisait à peu près en une vingtaine de jours, 500 kilomètres, dont une partie à pied. Et j'imagine la particularité de son voyage, c'est que c'est habituellement pas une route qu'on faisait seul. Il était habituellement deux dans le canot, donc question de s'alterner, de s'accompagner. Dans ce cas-là, on l'a envoyé seul faire ce parcours-là. Ouais, les raisons évoquées, en fait, à l'époque, c'est que la Nouvelle-France était assiégée par les Iroquois et le commerce des fourrures était assez interrompu. Et c'était la cause principale de la présence des Français ici, donc ça allait pas très bien. Mais il y avait tellement peur des Iroquois que les Français ont pas osé accompagner l'Iroquois de peur de se faire torturer ou de jamais revenir. Alors ils ont donné tout l'équipement nécessaire, mais ils ont dit vas-y tout seul. Alors il a fait le voyage, mais on ne sait pas s'il a fait tout seul. Moi je me suis inspiré de l'ambassadeur quand il est revenu, de l'ambassadeur quand il a fait ses discours et ses danses et tout, et il a reproché aux Français de l'avoir envoyé tout seul et qui a dit qu'il avait eu beaucoup de difficultés dans son voyage à cause qu'il était tout seul, justement. Malgré que, d'après mes, réflexions, étant donné que la Nouvelle-France était assiégée en continu avec les Iroquois, il a dû traverser le fleuve puis aller trouver ses chums, là, mais pour l'histoire, je l'ai fait voyager seul. Oui, ça permettait en fait d'exploiter beaucoup sa voie intérieure, d'exploiter de l'observation autour du territoire aussi, la notion de solitude sur un plan d'eau comme ça, entouré d'arbres et de... Oui, si je me suis fié à l'ambassadeur qui a dit qu'il a fait le voyage tout seul, donc c'est sûr que le territoire québécois est assez majestueux, pas juste québécois parce qu'il voyage aussi dans l'État de New York, là, mais le lac Champlain, le lac George, c'est pas quand même n'importe quoi, là, c'est relativement touristique et assez exceptionnel comme paysage. Alors je voulais représenter aussi le territoire de l'époque. Quelque chose de différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, les centres d'achat et les autoroutes. Là. Alors, j'ai voulu exploiter plusieurs aspects de ce côté-là, mais j'ai aussi profité pour intégrer étant donné qu'il est seul, bon, il y a des réflexions. Alors, j'ai intégré différents éléments historiques qui est pas issu de ce voyage-là, mais que j'ai répertorié différents éléments que je trouvais intéressants, que j'ai intégrés dans son voyage. Parce que j'imagine, en fait, pour attaquer un récit comme ça, d'un côté, il y a la recherche historique, donc voir un peu, pour assurer l'historicité, les moyens de déplacement, les éléments, les choses qu'il va rencontrer au fil de son parcours, qu'il aurait pu potentiellement, logiquement, les rencontrer aussi, le contexte de l'époque. Puis parallèlement, il y a tout le côté visuel aussi, donc autant dans les représentations des habitations traditionnelles et le reste, autant dans le paysage en tant que tel aussi. J'imagine que ça a dû être pas mal de travail là, pour... Oui, je me suis promené pas mal sur Google Maps. Et en fait, à l'origine, je voulais faire un voyage de repérage sur les lieux, mais faute de financement, j'ai dû me contenter de le faire avec Google Maps, puis Google Earth, puis des photographies. Donc, ce qui est représenté, c'est les paysages qui existent vraiment sans être... disons, comme il pouvait être à l'époque, malgré qu'il n'y a pas eu, il y a des endroits qui n'ont pas eu beaucoup d'interventions, mais il y en a qui en a eu. C'est pour ça que des fois, j'amène des flashbacks, représentations actuelles par rapport à ce qu'il pouvait voir à l'époque. Oui, puis en même temps, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir justement l'évolution de notre occupation avec ce territoire-là, où parfois on en arrive à oublier presque à quel point ça a été des étendues vierges, à quel point l'occupation se faisait peut-être de manière plus tendre envers l'environnement qui les entoure qu'aujourd'hui, finalement. Ouais, ben il faut mettre quand même, c'était quand même en 1644 là. Il y avait moins d'affaires qui se passaient aussi. il y avait moins de scie mécanique là. Il y avait moins de monde aussi sur le territoire. Puis bon, c'était une occupation différente, étant donné que il y avait l'agriculture qui était à petite échelle, mais aussi la chasse et tout ça. Ça fait que on fait pas des stationnements si on veut chasser là. Fait qu'il faut laisser l'environnement tel quel pour trouver le gibier qu'on convoite. Fait que c'est sûr que les interventions étaient c'est pas avantageux pour la chasse de faire des centres d'achat, des autoroutes là. Les temps changent, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et dans le contexte de tout ça, dans le fond, on parle d'une bande dessinée que vous avez développée, en fait, qui vous suit depuis déjà longtemps, parce que je parlais tantôt de Down with the Petawawa. Vous avez commencé à réfléchir, à travailler sur le retour de l'Iroquois avant même de vous lancer dans ce récit-là, et vous êtes revenu par la suite, donc il y a 6 ans et plus de travail là, à temps partiel là-dessus. Oui, je me suis inspiré de quelques phrases de Relation des Jésuites, comme je te parlais tout à l'heure de l'ambassadeur Iroquois. Qui racontait que Toc avait eu de la difficulté. Donc, c'est 4 lignes qui m'ont inspiré pour faire le voyage. Fait que là, déjà, j'avais ça dans la tête depuis un certain temps, donc j'ai commencé à le faire. Puis après ça, j'ai fait l'expédition de canot camping. Alors, entre deux, j'ai commencé à faire des dessins là-dessus et j'ai eu une opportunité de faire publier Down Under Petawawa. Avec les éditions de première ligne, Gatineau. Donc, j'ai interrompu l'Iroquois, puis après ça, j'ai poursuivi, puis je l'ai finalisé. Et ça doit être, en fait, il doit avoir un sentiment de résolution quand un projet comme ça nous suit depuis si longtemps qu'on arrive enfin dans un contexte qui n'est pas facile non plus. On parlait de défis de financement et le reste, mais d'avoir réussi quand même à rendre ce projet-là, à lui donner vie. Ouais, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de doutes, d'incertitudes. Des fois, je trouvais que c'était pas bon ce que je faisais là. Je m'attendais à ce que ça soit complètement ignoré par le public et que le monde trouve pas ça intéressant là. Mais finalement, c'est le contraire qui s'est produit. Et est-ce qu'on, justement, en termes de travail, en termes d'exploration, donc le fait d'avoir déjà, par exemple, je prends Petawawa, donc où vous étiez déjà dans un contexte de canot, donc il y a quand même une réalité qu'on peut transposer. Est-ce que ça a pris du temps pour trouver l'esprit visuel, l'esprit, le rythme aussi du retour de l'Iroquois? Donc comment un peu vous avez travaillé pour préparer justement à l'attaque, si on peut dire, à l'attaque de la création plus formelle, donc votre travail préparatoire? Ouais, en fait, Ben, il y a une évolution, ça a pris un certain temps, parce que si on place ce voyage dans une exploitation, moi j'ai fait beaucoup de bandes dessinées à caractère humoristique, avec le style qui va avec. Donc, voyage dans une exploitation, c'était, disons, visuellement plus un trait humoristique. Mm-hmm. Mais étant donné que c'était un exercice de style, j'ai exploré plein de façons différentes de représenter l'image avec des textures et tout ça. Ça fait que à travers ça, ben j'ai trouvé quelque chose que je trouvais intéressant, que j'ai exploité un peu plus, ben que j'ai commencé avec les Iroquois, mais que j'ai exploité un peu plus avec Dawn of the Petawawa. Donc Dawn of the Petawawa, c'est une espèce de prélude, de pratique pour l'Iroquois. Oui, puis pour vraiment de réinventer un peu votre trait ou de le faire évoluer, de poursuivre son évolution, dans le fond. Oui, c'est ça. En fait, ben j'avais commencé un petit peu avec le début mm-hmm. de l'Iroquois, mais je l'ai vraiment, mis plus au point avec Dawn of the Petawawa. Et il y a des similitudes aussi dans la lenteur du voyage, parce qu'en canot, ça va pas vite, donc on a le temps d'admirer le paysage et tout le kit. Ça fait que c'est un peu c'est assez il y a beaucoup de parenté entre les deux, sauf que le contexte est différent. Et au niveau du trait, ben c'est beaucoup la ligne qui vient dominer, les forêts, on sent en fait la densité peut-être un peu du paysage qui l'entoure aussi, beaucoup de jeux aussi avec des masses plus sombres, le clair, on joue avec le noir et blanc évidemment aussi là-dedans, puis selon les moments humains puis les moments naturels aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une continuité, mais une certaine distinction dans l'ambiance peut-être aussi. Ouais, ben c'est ça, quand je fais des paysages, c'est pas tout à fait pareil que juste des personnages. Fait que là, quand je fais des paysages, c'est sûr que je mets en valeur la beauté de la nature et tout le kit. Alors ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai déjà fait aussi beaucoup de... À une certaine époque, je faisais des arts visuels, alors je faisais de la peinture, des trucs comme ça. Alors, les paysages, j'avais déjà exploré ça en masse. Alors, j'ai plus transposé ça dans cette bande dessinée-là. Puis aussi, ben, je travaille en noir et blanc, mais aussi avec juste des stylos. C'est pas des plumes ou des crayons feutres sophistiqués. C'est vraiment des stylos Bic avec que je travaille. Je travaille avec les textures beaucoup. Alors, le stylo Bic, l'air de rien, permet d'obtenir des noirs assez denses, des noirs texturés, des gris, des textures de hachures, de différentes façons de travailler qui me permet d'avoir une latitude quand même dans le noir et blanc assez vaste. Est-ce que c'est venu en cours de route, justement, le stylo, ou c'est au fil des carnets de croquis, où à un moment donné, on s'est dit, ben OK, ça ressemble, c'est quelque chose que je veux reproduire dans l'album, donc on va partir du carnet de croquis pour l'amener, est-ce que... Oui, ben en fait, moi, je travaille pas sur des planches traditionnelles, alors je travaille beaucoup dans des carnets de croquis. Alors quand je vois, je vois souvent en nature, alors j'amène toujours mon carnet de croquis avec moi, ça fait que je prends des croquis, des paysages. Il y a beaucoup de dessins, de cases dans l'Iroquois qui viennent du carnet de croquis que j'ai scanné, que j'ai mis direct comme ça, là. Puis ça donne un style plus nerveux aussi, peut-être un peu. Je trouve que ça s'enrichit, en fait, l'esthétique du livre. Oui, ben étant donné que j'ai développé ce style-là, je le travaille toujours aujourd'hui. Mais ça va avec la spontanéité du crayon. Et parallèlement, dans ce contexte-là, aussi, on parlait donc d'un récit, d'un road story, en fait, au fil du fleuve, avec peut-être l'échéance, en fait, évidemment, qui sert un peu. Donc, on lui dit, ben, t'as 2 mois pour aller chercher aller chercher l'accord de paix et revenir. Donc, ça donne un peu un moteur, un certain suspense sur le « va-t-il réussir ?» Puis dans un contexte aussi où il n'y a pas de gentil puis de méchant non plus, c'est un récit tout en zone de gris, en fait, que vous nous offrez. Là, y a pas, Ouais, ben j'ai évacué le méchant Iroquois, là. Étant donné que c'est le personnage principal, j'essaie de pas faire le personnage principal que c'est un méchant, mais lui, il fait son affaire. En fait, tout le monde essaie de faire son affaire. Puis, c'est ça. Et est-ce que au niveau du rythme, justement, est-ce qu'on l'a trouvé rapidement? Parce que faire quelque chose qui est dans la lenteur, mais qu'une lenteur qui est fluide, dans le fond, comme vous avez fait dans le fond dans l'Iroquois, j'imagine que c'est un équilibre qui n'est pas nécessairement facile à atteindre. Donc, d'avoir le bon rythme, la bonne lenteur, si on peut dire, puis juste assez entrecoupé aussi d'éléments qui viennent enrichir ce parcours-là. Oui, ben, effectivement, il n'allait pas très vite, malgré que le 2 mois, c'est lui, quand il est parti, quand il s'est fait libérer, c'est lui qui a dit que dans 2 mois, il allait revenir. C'est pas les Français qui ont imposé de dire qu'il faut que tu reviennes dans 2 mois. Mais d'après mes calculs, ça lui a pris quand même le temps normal, même s'il était seul, parce qu'il est revenu quand même 2 mois plus tard. Mm-hmm. Fait que le temps, 20 jours, 20, une vingtaine de jours monter, peut-être parler à ses compatriotes, puis monter une ambassade, puis revenir, ça a pris 2 mois. Puis étant donné que ça va pas vite en canot, ça aurait pu devenir redondant juste faire le voyage. Il pagaille tous les jours, bon, les paysages changent, il se trouve un castor quelque part, il se trouve un poisson ailleurs. Mais c'est pour ça que je l'ai agrémenté de souvenirs, mm-hmm. de traits culturels. En fait, ça donne presque l'allure par moment d'un récit à caractère initiatique, peut-être, on pourrait presque dire. Oui, il y en a qui ont qualifié que c'est un voyage initiatique. Là. Ça se peut, c'est possible. Mais ça dépend toujours de la perspective. En fait, la manière, dans le fond, par laquelle on se laisse comme lecteur baigné par l'ambiance, dans le fond, que vous nous proposez. Oui, ben en fait, je propose une vision méconnue du monde amérindien. Étant donné que je m'intéresse beaucoup au sujet, des fois je parle avec des gens de ça qui connaissent absolument rien, des gens qui connaissent pas des personnages super connus historiquement du Québec, mais on ne connaisse pas leur histoire en fait. Fait que c'est un peu aussi un aspect didactique de proposer la relation des Jésuites d'une manière différente. Oui, surtout que c'est pas un sujet qui est si exploité que ça en bande dessinée. Je pense qu'il y a eu peut-être Bérubé avec son Radisson qui s'est intéressé à cette période-là de notre histoire. Un peu peut-être François Lapierre avec ses Chroniques sauvages, Chagana et le reste, qui s'est intéressé aux mythologies amérindiennes. Il y a le retour de l'Iroquois, mais en dehors de ces trois-là, il n'y en a pas. Je pourrais pas en nommer rapidement d'autres de plus, là. Non, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas de le faire, parce que étant donné que parce que personne connaît ça, c'est pas exploité. Ben, il y a beaucoup de Français qui exploitent le sujet, parce qu'ils ont une certaine fascination sur le monde amérindien. Sauf que, toutes les fois qu'on voit ça, il y a toujours soit des erreurs historiques grossières, ou soit ils n'ont pas le vécu du territoire. C'est pas du monde qui s'en va faire nécessairement du canot camping puis s'en va dans le fin fond des bois pour à travers les moustiques là. Ils sont à Paris puis ils regardent des photos puis ils font une histoire sur les Indiens. Fait que là moi j'ai quand même un vécu que je transmets dans l'histoire, puis aussi il y a des connaissances historiques que je transmets aussi. Et en terminant, Louis Rémillard, est-ce que, enfin, on parlait d'une pause de presque 6 ans, si on peut dire, pour réaliser l'album, donc un silence de votre côté. Pour nous, lecteurs, est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que vous envisagez de nous faire d'autres propositions à courte échéance ou à moyenne échéance? Oui, j'ai déjà d'autres projets, oui. En fait, ça serait dans le même créneau, toujours dans historique, non? Étant donné que ça a été bien accueilli, je trouve que, puis moi, ça m'intéresse, alors j'ai décidé de poursuivre un peu là-dedans. J'espère le faire plus rapidement que celui-là. Alors, prochain projet, ça serait plusieurs histoires, toujours répertoriées soit des relations des Jésuites ou Champlain. Comme là, actuellement, je suis en train de faire une bande dessinée sur le voyage de Champlain lorsqu'il a rencontré les Iroquois en 1609. Alors, je fais son voyage, une partie du voyage qui part des rapides de la rivière Richelieu, là, à Chambly, jusqu'au lac Champlain, où il a rencontré les Iroquois. Alors, ce serait une petite histoire. Il y aura d'autres histoires aussi sur des Amérindiennes algonquiennes qui sont évadées des villages iroquois, là, des histoires absolument extraordinaires. Beaucoup de potentiel à raconter. Alors j'ai plusieurs petites histoires comme ça que j'intégrerai tout ensemble pour faire un album. Alors, on surveille ça, donc à courte moyenne échéance, et d'ici là, évidemment, ben, si ce n'est déjà fait, on met la main sur ce retour de l'Iroquois aux éditions Trip, bande dessinée, en fait, qui figure dans mes coups de cœur de 2016, en fait, j'en profite pour vous le dire, et vous remercier, en fait, pour cette bande dessinée-là, vraiment, je pense que ici, il y a des gens qui nous écoutent qui hésitent à aller la feuilleter, eh ben moi, je lui donne mes plus fortes recommandations de l'an dernier, et Louis Rémillard, merci d'avoir passé ces quelques instants en studio avec nous. C'est moi. Alors ben voilà, donc je rappelle, on s'entretenait avec Louis Rémillard, donc l'auteur de la bande dessinée Le Retour de l'Iroquois, une bande dessinée qui est disponible, donc je le rappelle, du côté des éditions Trip. L'antenne de CKRL, Raymond Poirier avec vous de 17h30 à 18h30 tous les vendredis pour parler bande dessinée. Je vous rappelle d'ailleurs aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. On essaie de vous tenir au courant des actualités BD d'ici et d'ailleurs. Et ben, toujours un peu en mode rattrapage, en fait, c'est la nature de notre période de premier tiers d'année, comme à chaque année. Alors, on retourne maintenant vers une sortie qui est arrivée l'automne dernier. Ça s'appelle Les Autres, le tome 1, donc une extension en album d'un univers qu'on connaît déjà et de bandes dessinées qu'on a pu découvrir dans le magazine Curium. Et on est avec Iris pour nous en parler. Bonjour. Salut. Alors, ben, l'univers des autres, c'est né dans le fond d'un projet que tu as proposé au magazine Curium, justement. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'avais contacté le magazine Curium pour offrir mes services d'illustratrice au début. Puis finalement, la rédactrice en chef, Noémie, elle m'a dit « Ah, mais tu fais de la bande dessinée, pourquoi tu ne proposes pas plutôt un projet de bande dessinée? » Donc, j'étais enchantée par sa proposition. Puis, en plus, elle m'a dit, tu sais, on te laisse pas mal de carte blanche, tu nous proposes ce que tu veux. Puis, comme moi, j'avais eu beaucoup de plaisir dans ma série Le Stitcha que j'ai faite avec Viviane à travailler les passages où les personnages étaient adolescents, mais j'étais ravie de pouvoir un peu me retenir là-dedans. Fait que j'ai proposé ces quatre personnages-là qui constituent le groupe des autres à Noémie, puis elle trouvait ça intéressant. Puis maintenant, ça fait un peu plus de deux ans, depuis le deuxième numéro de Curium, donc 2 ans que c'est publié à chaque mois. Et comparativement peut-être à des contextes d'albums, quand on lance dans un projet comme ça, j'imagine en fait qu'il a dû avoir une description très précise dès le départ des personnages, donc avant même d'écrire les premières planches ou après avoir écrit des planches test, fallait que tu connaisses déjà pas mal de détails autour de tes personnages pour pouvoir proposer justement cette série-là. Oui, ben je sais pas. En fait, moi, oui, effectivement, j'ai fait ça. Là. J'ai bâti vraiment, tu sais, chaque personnage avait sa fiche, avec son statut familial, ses traits de caractère, ses qualités, ses défauts. Peut-être que ça a aidé à ce que le projet fonctionne et qu'il soit accepté, mais j'en sais rien. Je pense que Noémie, elle savait pas trop à quoi s'attendre, puis j'avais monté un gros dossier comme ça. Puis en fait, ça aide toujours aussi après là, pour le projet. Pour moi, d'avoir ça, c'est toujours utile aussi. Mais surtout dans un contexte où il y a un côté, c'est une bande dessinée d'humour, évidemment. Donc, et l'humour vient beaucoup des relations, de la dynamique entre les personnages, dans les dialogues, dans leur camaraderie, dans le fond. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est ça, la revue Curium, c'est une revue plutôt science, société, philosophie, tout ça, avec un contenu plutôt théorique. Puis Noémie m'avait vraiment demandé de faire un truc plus, tu sais, pour divertir les jeunes, que ce serait plutôt la bande dessinée qui est divertissante dans la revue. Parce qu'il y a d'autres bandes dessinées qui sont, par exemple, celle de Richard Valran, L'Elabora, qui est un peu éducatif, qui est drôle aussi, mais qui a plutôt du contenu éducatif. Donc, la BD des autres dans Curium, c'est, comme tu le dis, une BD drôle, qui est basée sur les relations entre ces ados-là, qui sont un peu rejets, mais pas tant. Et qu'est-ce qui t'a amené justement vers ces personnages-là? Donc, parce qu'ils ont un côté similaire, en fait, un côté un peu justement rejet, un peu geek à certains égards, mais pas que ça. Mais en même temps, tu as choisi aussi de leur donner des personnalités assez distinctes, en fait, de l'immigrant qui vit peut-être un peu plus difficilement d'un point de vue financier, à l'enfant roi qui est pratiquement la cuillère en argent dans la bouche, là, si on peut dire. Donc, ouais. Qu'est-ce qui t'a envoyé un peu? Qu'est-ce qui t'a lancé vers ces personnages-là? Comme j'avais proposé à Noémie, je me suis dit, tu sais, il me semble que dans ce qu'on voit dans les séries télé, dans les romans, tout ça, on voit souvent comme soit des jeunes cool ou des jeunes, tu sais, qui ont du succès, là, que ça fonctionne bien dans la vie sociale. Puis tout ça, puis c'est rare qu'on voit ceux qui, tu sais, qui pognent moins, là. Puis j'avais envie de montrer ça parce qu'en fait, je pense que c'est plus réaliste, là. Tu sais, qui au secondaire a pas été un autre, là? C'est la minorité des gens là, qui étaient comme les cools, les populaires. Là. Donc, j'avais envie de parler peut-être de quelque chose qui rejoindrait plus la réalité des jeunes. Puis, je trouvais ça le fun parce que aussi, ça amenait comme un... C'était facile de parler de situations malaisantes puis où est-ce que les personnages se retrouvent un peu dans des situations ridicules. Parce que j'aime bien faire ça. Dans le style, je le faisais aussi beaucoup. Oui, puis, j'ai l'impression, en fait, quand on parle de malaise, je ressens des fois avec certaines séries télé où le personnage, justement, tu es attaché à lui, tu le suis, puis une fois le planche, puis il vit une anecdote qui te rend mal à l'aise et tu ris plus de son malaise plus que tu le ressens. Donc, c'est toujours un défi, j'imagine, de réussir à créer des bons malaises, des malaises dont on va en rire et dont on n'a pas l'impression que le personnage est anéanti, si on peut dire qu'on se sent mal pour lui. Ben oui, mais c'est ça. Mais j'aime mes personnages. Attachés, puis j'ai plein d'affection pour eux. Je veux pas non plus qu'ils aient l'air trop ridicules, puis qu'on se moque d'eux ou que ça soit négatif, là, parce qu'en fait, je dis qu'il y a des malaises, c'est basé là-dessus beaucoup mon humour, mais c'est pas non plus pathétique. Là, mm-hmm. Je pense pas que les autres sont pathétiques. Puis c'est ça. Moi, j'aime bien montrer ça. Là. Il me semble que tout le monde vit ça dans la vie, des malaises puis des situations où est-ce qu'on se sent un peu ridicule, mais c'est pas la fin du monde non plus. Oui, surtout à l'adolescence. Oui, ben c'est ça. Puis je pense que ça peut être le fun pour les ados d'avoir comme justement cette BD-là qui permet peut-être un peu de dédramatiser ce genre de situation. Et de côté gag, côté sujet, est-ce que dans le fond, t'essaies d'intensifier depuis que t'es dans cette série-là les discussions autour de ton adolescence ou de l'adolescence des gens que tu côtoies, d'essayer de replonger un peu dans cette réalité-là où, en même temps, c'est tellement une période importante qu'il y a toujours assez de résiduels et qu'on n'oublie jamais réellement qu'est-ce que c'est d'être un ado, finalement? Moi, je m'inspire un peu de, oui, ce que j'ai vécu. C'est sûr que des fois, je la nommerai pas, mais j'ai une ado dans mon entourage, puis des fois, je suis comme, bon, raconte-moi qu'est-ce qui se passe dans ta vie un peu, là, puis est-ce que je peux utiliser ça, Mais finalement, je pense que j'ai assez de souvenirs où je peux aussi juste comme inventer des histoires, là. Mm-hmm. Je pense que c'est facile de se mettre à la place. Puis je t'avoue que des fois, j'ai un petit peu peur de d'épuiser... Les sujets que je pourrais utiliser. Mais, puis en plus, c'est un peu un défi dans Curium parce que je suis limitée dans le nombre de pages. Je suis un petit peu aussi limitée dans les thèmes que je peux aborder parce que c'est quand même une revue, tu sais, qui s'adresse aux 14-17 ans, mais il y en a des plus jeunes qui la lisent, c'est dans les écoles. Donc, ça peut arriver des fois qu'il y a des sujets, ou en tout cas des façons de traiter les sujets qui passent un petit peu moins bien. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que des fois, j'ai peur d'avoir plus d'idées, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Puis je réussis toujours à me renouveler, je pense, là. Puis récemment aussi, là, on le verra pas avant dans deux numéros, je pense en avril, j'ai rajouté un nouveau personnage. Je me suis dit, tiens, comme ça, on va brasser un peu... On va rajouter quelqu'un là-dedans. Oui. Faire apparaître les parents tranquillement aussi, d'avoir un univers qui se limite pas aux quatre, là. Bref, je pense qu'il y a toujours plein d'affaires à raconter, puis... Et j'imagine en fait qu'il y a un défi, un autre défi, Iris, tu me diras oui ou non, là, mais dans le fond, dans l'idée que d'un côté, et on le voit bien dans la version album des autres, en fait, il y a une espèce d'arc thématique, une progression, si on peut dire, qui fait que ça se lit bien en album, mais en même temps, c'est des planches qui, pour la plupart, se retrouvent aussi dans le contexte d'un magazine où quelqu'un va commencer par la première autant que d'autres vont être en premier contact à 10e planche avec ce que tu vas proposer. Donc, faut qu'on puisse commencer le récit à partir de n'importe quelle page et comprendre où on se retrouve, c'est quoi la dynamique et le reste. Ben, tout à fait, t'as vraiment raison. J'aurais dû rajouter ça, mais c'est effectivement un des gros défis, là, parce que au début, dans les premières pages que j'avais fait une histoire à suivre qui en fait en tout elle durait 5 pages, puis c'était 3 pages dans un numéro, puis 2 pages dans un autre. Puis Noémie, la rédactrice en chef du magazine, m'a dit, tu sais, c'est bon, mais on est comme au début de la revue, puis il va y avoir des nouveaux lecteurs qui vont s'ajouter tout le temps. Puis même maintenant, après 2 ans de publication de la revue, il y a encore des nouveaux lecteurs qui s'ajoutent. Donc effectivement, je peux pas prendre en considération que les gens ont déjà lu ce qui venait avant. Donc il faut tout le temps que ça soit un peu des gags indépendants les uns des autres, tu sais. Donc ça, effectivement, c'est un gros défi, puis surtout que moi, j'aurais bien aimé aller avec les autres dans des choses peut-être pas tout le temps drôles, tu sais. Comme dans le studio, là, dans l'adolescence, c'était drôle souvent, mais il y avait aussi des fois un petit peu de drama, là, excusez mon anglais, tu sais, des situations plus de trahison, des histoires d'amour qui se passent pas bien, mais faire ça en 2 pages... c'est pas évident. Est-ce que dans le fond, le passage des planches d'Ancurium aux planches du format album avec le tome 1 des autres, est-ce que ça te permet justement d'ajouter ou de peaufiner certains aspects plus, justement, je parlais d'arc thématique tantôt, ben d'essayer de le découvrir ou de le mettre en évidence peut-être un peu plus en ajoutant peut-être une planche par-ci, par-là ou en accentuant certains éléments? Ou Je pourrais faire ça. Ben là, dans la version en album, le tome 1, en fait, j'ai rajouté des pages inédites. Puis, justement, pour me permettre de creuser un peu plus les personnages, j'ai mis des flashbacks de leur enfance. Donc, on voit un peu comment ils se sont rencontrés, ces quatre jeunes-là. Mais oui, ça pourrait être fait. Et peut-être que ça détonnerait un peu aussi, parce que là, franchement, c'est vraiment, tu sais, juste des gags, mm-hmm. 2 planches avec un punch à la fin. Ça serait à voir, écoute, je sais pas. Mais moi, j'admire vraiment, vraiment beaucoup le travail de Delaf et Dubuc qui, eux, ont réussi vraiment à faire des gags, tu sais, qui sont pré-publiés dans une revue, mais en plus de ça, faire une trame narrative qui fait une histoire au complet. Moi, en tout cas, bravo. ouais, ils sont forts. Et justement, on parle aussi, ben, dans le fond, est-ce qu'au départ, c'était pensé, il y avait en tête l'idée d'en faire éventuellement un livre, un format album, pour donner une durée de vie plus longue aux planches, ou est-ce que c'est venu en cours de route? On en a pas mal parlé dès le début, mais c'était le début de tout, hein, c'était le début de la revue, c'était le début des autres, fait qu'on se disait, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Puis moi, ben j'avais, tu sais, je gardais les droits sur ces personnages-là, puis sur les pages, donc j'aurais pu faire ce que je veux avec. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas les proposer à Bayard, qui sont un des éditeurs, en fait, de Curium. Puis ils étaient enchantés, tout le monde était content, puis moi aussi. Et donc, est-ce que c'est le genre de truc où on se dit, bon, OK, on commence déjà à penser, puisque, comme tu l'as mentionné, ben, en fait, ce qu'on a dans le tome 1, c'est ce qui a été publié au fil de la dernière année, entre autres. Donc, depuis les débuts du magazine, il y en aura peut-être un tome 2. Est-ce que, sachant que le passage a été fait une fois, ben, qu'on s'oriente aussi un peu avec ça en tête? Ah oui, c'est sûr qu'il va y avoir un tome 2. Ben, je continue à faire 2 pages par mois, donc ça va prendre 1 an et demi, puis il va y avoir un tome 2. Puis il va y avoir aussi les autres qui vont être publiés en France. Mm-hmm. Puis ça, c'est un peu drôle de projet, parce qu'ici, au Québec, donc chez Bayard Canada, ça a été publié dans un format vraiment 46 pages, carton et couleur classique. Puis là, j'ai signé un contrat d'édition avec Delcourt en France, qui, eux, veulent complètement viser un autre public. L'éditrice, elle m'a dit, ah, moi, je m'adresserais plutôt aux jeunes adultes, ceux qui viennent de sortir d'adolescence. Donc, on va faire un format un petit peu plus petit, puis on va attendre d'avoir plus de pages, faire un truc d'une bonne centaine de pages. Donc, je trouve ça intéressant de voir que ça va être comme deux objets différents, puis avec le même contenu, mais qui s'adresse à un public différent. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va être reçu là-bas aussi. Oui, curieux de voir, effectivement, de quelle manière, en changeant un peu le format puis le cadre, on réussit à peut-être orienter un peu le même contenu vers deux publics différents. C'est assez intriguant. Mmh. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Et d'ici là, bien évidemment, il y a le tome 1 sur lequel on peut mettre la main. On peut suivre aussi le récit. Dans Curium, Iris, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Au revoir. Alors, je rappelle les autres. Donc, tome 1, format album, qui est disponible du côté de Bayard, une bande dessinée de Iris. Dernière ligne droite de La Vie en BD, je rappelle que la trame sonore qui nous accompagnait au fil de l'émission de cette semaine, c'est la trame sonore de Minimized de Glitch Dealers. Et dernière ligne droite de l'émission qu'on fait en prévision d'une activité qui s'en vient le 8 février prochain, 19h. Donc, nouvelle saison des rendez-vous de la BD avec une activité sous le thème témoigner, dénoncer d'autres BD documentaires. L'animateur de ces rencontres est avec nous au bout du fil, Michel Giguère, bonjour. Bonsoir Raymond et à tout ton auditoire. Et je mentionnais en fait nouvelle saison, et Michel, c'est aussi la 25e saison, c'est quand même pas rien, des rendez-vous de la BD. Et en même temps, je mentionnais ça en entrée de jeu parce que je trouvais que témoigner, dénoncer face aux événements de dimanche dernier, il prend une dimension vraiment très particulière, donc dans le contexte, dans la période qu'on vit actuellement. Là. Oui, pas juste ces événements-là, mais écoute, c'est frappant, là. Personnellement, je suis heureux d'offrir une activité propice à la réflexion, à la sensibilisation, à l'ouverture sur les réalités qui sont vécues aux quatre coins du monde. Sauf que le lien avec l'actualité est purement accidentel. Il faut savoir que la préparation de ma présentation, notamment les nombreuses lectures, ben, ça s'est échelonné sur une couple d'années, hein, et puis que le calendrier des rendez-vous de la BD est bâti plusieurs mois à l'avance. Si bien que lorsque j'ai placé dans la programmation le thème des témoignages-reportages, je me doutais pas en tout que, par exemple, les Américains se donneraient comme président un réactionnaire grotesque, grossier et dangereux qui ferait exploser le nombre de témoignages et de dénonciations, justement, puisqu'on en parle, et ce, depuis la campagne à la présidence jusqu'à l'accession au pouvoir du personnage, et puis ce aussi tant sur la place publique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais aussi de nombreuses manifs dans la rue, tant là que dans les milieux juridiques, diplomatiques, féministes, écologistes, médiatiques. Alors les événements se précipitent, puis les citoyens démontrent vraiment un intérêt accru pour la chose politique, pour les événements à l'international, pour les débats de société. Alors oui, le contexte est vraiment propice à la BD de reportage. Écoute, en décembre dernier, là, pour alléger ma programmation d'automne, tu te souviens, j'avais proposé une soirée sur les chats dans la BD, mais là, ces jours-ci, je me serais pas vu vraiment convier les gens à venir voir défiler des minous sur l'écran. Là. Oui, effectivement, puis c'est l'international qui rattrape le local, on le voit avec les débats qu'on fait aussi actuellement sur les relations interculturelles dans les suites de dimanche et le reste, donc il y a vraiment un gros débat local qui offre une antenne malheureuse, mais nécessaire peut-être aussi aux débats internationaux. Oui, puis dans le fond, on a souvent reproché aux Québécois d'être un petit peu repliés sur eux puis de pas s'intéresser beaucoup à ce qui se passait ailleurs. C'est le temps qu'on s'ouvre pleinement sur le monde en ce 21e siècle. Mais encore là, c'est une triste coïncidence qui m'a fait choisir pour agrémenter mon événement Facebook une image de manif avec des slogans en arabe. Un dessin qui est extrait de l'excellente BD « Le printemps des Arabes ». J'ai publié mon communiqué le mercredi 25 janvier. Alors, c'était quatre jours avant la fusillade. J'avoue que l'apparence d'opportunisme, là, franchement, ça me met un petit peu mal à l'aise dans les circonstances, mais bon. Mais donc, de toute façon, Michel, on le sait, pour t'entendre régulièrement ici à l'émission, en fait, c'est loin d'être ta première incursion dans l'univers de la BD reportage, la BD documentaire. En octobre 2015, il y avait eu un premier volet sous le titre, encore là, Témoigner dénoncé. Oui, puis je me souviens d'avoir évoqué ce soir-là l'attentat chez Charlie et la mort de bédistes et de dessinateurs de presse qu'on connaissait depuis des décennies. Hein. Et les attentats en France ont beaucoup touché les Québécois. Hein. Puis l'atmosphère était déjà chargée quand venait le temps d'aborder l'islam, l'islamisme, les conflits religieux, tout ça. Mais faut dire aussi qu'avant cette première partie de témoigner, dénoncer, il y a un an et demi, comme tu le disais, j'avais présenté en septembre 2014, un autre diaporama sur la BD documentaire, mais là, au sens large de récits non fictionnels, tellement large en fait que je devrais y revenir encore et encore au cours des prochaines saisons. Je monte depuis des mois des banques de titres de biographies, d'autobiographies, de manuels, d'essais, de carnets de voyage. Tout ça en bande dessinée, évidemment. Et toutes ces catégories-là, j'en parlerai évidemment pas mercredi prochain. Et si tu te souviens, j'avais aussi reçu Emmanuel Lepage, avec qui j'avais discuté de ces bandes dessinées, ces trois bandes dessinées qu'on peut qualifier de carnets de voyage, magnifique. J'ai par ailleurs consacré une soirée presque entière aux ignorants, le magnifique hommage d'Étienne Davodeau, hommage à la notion de métier, puis à ceux qui pratiquent consciencieusement le leur. Alors, la BD documentaire, on le voit bien, a nourri plusieurs des rendez-vous de la BD. Et en même temps, c'est un contexte où j'ai l'impression que la BD documentaire est elle-même en plein essor. L'existence de la revue dessinée, son pendant pour les ados, le magazine Topo le montre bien. Il y a beaucoup de nouvelles BD documentaires, notamment Guy Delisle, S'enfuir, qui connaît un beau succès en librairie aussi. Ça, c'est une autre preuve de l'intérêt grandissant pour ce type de BD-là. Oui, à quoi on pourrait ajouter, mais c'est surtout aux États-Unis que ça se passe, la confrontation médiatisée entre Trump et le mythique activiste afro-américain John Lewis, qui a relancé les ventes du triptyque que Lewis a réalisé avec Andrew Hayden et Nate Powell sous le titre « March », qui était, tiens-toi bien, traduit en français par « Wake up America ». Eh oui, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Hein? Donc on assiste à l'apparition d'une multitude de BD reportages, mais depuis quelques minutes qu'on en parle, je me dis qu'il y a peut-être aussi une part des gens qui nous écoutent qui se demandent exactement de quoi on parle. Alors, si on avait expliqué à un néophyte c'est quoi une BD reportage, qu'est-ce qu'on dirait? Eh bien, en faisant le parallèle avec les reportages pour les magazines ou encore la télévision, c'est-à-dire un journaliste qui s'associe avec un photographe ou un caméraman, ou alors qui fait tout ça en solo. Il se documente sur un sujet, il se rend sur place après coup, et puis là, se rendre sur place, c'est soit à l'intérieur d'un pénitencier ou carrément dans un pays étranger. Il couvre l'émeute dans la prison, ou alors il va rendre compte du gâchis après coup. Même chose dans un pays qui serait frappé par une guerre civile. S'il est téméraire, ben, il s'y rend pendant, sinon il attend que ça se soit calmé. Il rencontre éventuellement des officiels et ou des gens dans la rue. Il mène des entrevues, recueille les témoignages, les compare, tente de faire sortir une vérité. Il vise tantôt un ton de neutralité, tantôt il prend fait et cause pour une partie. Il y a plein de cas de figure possibles. Hein. Mais la spécificité de la BD documentaire, c'est l'usage du crayon, le recours au dessin. Et là, le lecteur se trouve face à un intermédiaire très présent entre lui et la situation que l'auteur décrit, que l'auteur dépeint. Comme l'a si finement observé Davodeau dans la préface d'un de ses albums documentaires, le bédéiste, il peut pas jouer la carte de la pseudo-objectivité comme serait tenté de le faire un photographe ou un cinéaste. La subjectivité de son regard, elle est pleinement assumée puisqu'elle est portée par son trait, par son appropriation des lieux, des visages qu'il dessine. Écoute, la BD de reportage est tellement riche, tellement plurielle, parce qu'en plus des options que j'énumérais tantôt, eh ben il y a la représentation du réel par le dessin qui, de son côté, se déploie dans tous les styles quand on y pense, réaliste ou non, en couleur ou en noir et blanc, détaillé ou dépouillé, un trait nerveux pour faire sentir l'urgence, ou alors un trait posé pour installer une distanciation. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de ce que tu vas présenter mercredi prochain? Oui, trois BD différentes qui reviennent sur l'attentat chez Charlie. Ensuite, on va faire un détour par l'extrême-orient où sévissent des régimes très autoritaires. On reviendra par le Moyen-Orient, tourmenté, pour aboutir en Afrique, un continent tragique en soi. Là. On s'y attardera pas trop en Afrique parce qu'il y a précisément un an, j'ai consacré une rencontre entière à ce continent-là. On va faire une incursion en Amérique latine. On va traverser la frontière américaine avec des illégaux mexicains. On va constater que plein de choses ne vont pas bien aux États-Unis. Et on va conclure sur des questions environnementales. Comme tu vois, rien de très léger, mais je pense que ça s'impose de nous regrouper puis de nous confronter à ces différentes problématiques-là. Et Michel Giga, je rappelle en fait que cette rencontre, donc témoignée de dénoncer, c'est le mercredi 8 mars, donc mercredi prochain, c'est à 19h, c'est à la bibliothèque Gabriel Leroy. Je mentionne qu'on a aussi simplement besoin de s'y présenter, il n'y a pas de réservation nécessaire, et on profite de cette soirée. Et avant de te laisser, j'aimerais mentionner, en fait, tu parlais tantôt des thèmes des 12 dernières années, donc quand même 25 saisons de vulgarisation, d'accompagnement, de médiation autour de la bande dessinée. Ça représente beaucoup de sujets couverts, beaucoup d'invités. Et donc, tu commences ta 25e saison. Comment t'envisages peut-être un peu l'avenir de ces rencontres-là? Il y a des choses qui m'inquiètent pas. J'ai plein de thèmes en banque. La production est abondante et riche. Tu le sais, t'as pas de misère à remplir ton émission. Je sens, moi, que le plus fragile, c'est le contact avec le public. Mais pas au sens de la qualité du contact que l'animateur a auprès des auditeurs dans la salle, mais dans le sens de la prise de contact avec les amateurs de BD, ou les non-amateurs de BD aussi, hein, ceux qui s'intéressent qui à la géopolitique, qui à l'histoire de la musique, etc. Moi, je suis très content, j'essaie de les attirer aussi. Tu sais, j'ai le privilège, d'abord, que tu m'invites depuis les tout débuts à ton émission. Par ailleurs, la programmation des rendez-vous de la BD figure sur le site de la Bibliothèque de Québec. Je diffuse modestement mes communiqués sur Facebook, mais rien ne marche aussi bien que le bouche à oreille. Alors, ce que je me souhaite pour les rendez-vous de la BD, c'est que les habitués, comme les curieux qui sont jamais venus, imitent ceux que je vois déjà prendre place dans la salle, mois après mois, accompagnés d'un ami, ou de leur blonde, ou de leur chum, de leur grand gars, ou de leurs parents. La BD, ça se lit avec les yeux et les doigts, mais la BD, elle a besoin du bouche à oreille. Et de ton côté, comme lecteur, est-ce que le fait d'envisager beaucoup les lectures d'un point de vue thématique comme ça, est-ce que ça change un peu, par exemple, de lire spontanément ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de BD documentaires, beaucoup, beaucoup de récits sur l'Afrique? Est-ce que ça change la relation que tu as avec le médium comme lecteur? Moi, je vis depuis 12 ans une expérience de lecteur très forte, très puissante. Là, ça a l'air ésotérique, là, mais sans égie, là, pendant un mois, lire ou relire toute l'œuvre d'un BDiste donné que je m'apprête à recevoir, ou un thème, un mois à lire des bandes dessinées qui se passent dans la neige, un mois à lire des bandes dessinées qui parlent de femmes ou qui ont été créées par des femmes. Peu importe le thème, la BD documentaire, j'avoue, là, c'est, je parlais tantôt de quelques années de lecture, là, c'est long à lire, c'est costaud, et c'est des sujets qui sont généralement très sérieux. Alors oui, à un moment donné, là, titre après titre, là, ça peut influer un petit peu sur le moral. Ça devient un petit peu déprimant. Mais c'est une mouvance qui est tellement intéressante, qui offre tellement de possibilités et qui amène un vent de fraîcheur dans une forme de presque de journalisme, on peut le dire. Alors ben, on lance l'invitation, donc je rappelle le 8 février prochain. Michel Giguère, nous on se dit ben, à très bientôt. Oui, bien sûr. Salut bien. Ciao. Voilà donc Michel Giguère, donc animateur des rendez-vous de la BD qui sont présentés à la bibliothèque Gabriel Leroy. Nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, Rémi Simard va nous parler de Ligue de Garage, Francis Dernay, Alexandre Fontaine-Rousseau, des premiers aviateurs et plus. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.